Il serait pourtant bon qu'on en vînt à préciser un peu le point où Tappner cesse d'être un brigand et où Schinnerhans commence à devenir de la politique. Tenez, monsieur, c'est horrible. Nous habitons, vous et moi, l'infiniment petit. Je ne suis qu'un proscrit et vous n'êtes qu'un ministre. Je suis de la cendre, vous êtes de la poussière. D'atome à atome, on peut se parler. On peut, d'un néant à l'autre, se dire ses vérités. Eh bien, sachez-le, quelles que soient les splendeurs actuelles de votre politique, quelle que soit la gloire de l'alliance de M. Bonaparte, quel qu'honneur qu'il y ait pour vous à mettre votre tête à côté de la sienne dans le bonnet qu'il porte, si retentissant et si magnifique que soit votre triomphe en commun dans l'affaire turque, monsieur, cette corde qu'on noue au cou d'un homme, cette trappe qu'on ouvre sous ses pieds, cet espoir qu'il se cassera la colonne vertébrale en tombant, cette face qui devient bleue sous le voile lugubre du gibet, ces yeux sanglants qui sortent brusquement de leur orbite, cette langue qui jaillit du gosier, ce rugissement d'angoisse que le nœud étouffe, cette âme éperdue qui se cogne au crâne sans pouvoir s'en aller, ces genoux convulsifs qui cherchent un point d'appui, ces mains liées et muettes qui se joignent et qui crient au secours, et cet autre homme, cet homme de l'ombre, qui se jette sur ses palpitations suprêmes, qui se cramponne aux jambes du misérable et qui se pend au pendu. Monsieur, c'est épouvantable. Et si par hasard, les conjectures que j'écarte avaient raison, si l'homme qui s'est accroché au pied de Tappner était Monsieur Bonaparte, ce serait monstrueux. Mais, je le répète, je ne crois pas cela. Vous n'avez obéi à aucune influence. Vous avez dit que la justice suive son cours. Vous avez donné cet ordre comme un autre. Les rabâchages sur la peine de mort vous touchent peu. Pendre un homme, boire un verre d'eau. Vous n'avez pas vu la gravité de l'acte. C'est une légèreté d'homme d'État, rien de plus. Monsieur, gardez vos étourderies pour la terre. Ne les offrez pas à l'éternité. Croyez-moi, ne jouez pas avec ces profondeurs-là. N'y jetez rien de vous. C'est une imprudence. Ces profondeurs-là, je suis plus près que vous, je les vois. Prenez garde. Exul sicut mortus. Je vous parle de dedans le tombeau.